France Inter. Frédéric Sigrist, votre blockbuster cette semaine est une série Last of Us, visible sur Prime Video depuis lundi, série adaptée d'un jeu vidéo. C'est un peu un rêve pour vous, non? Vos deux passions réunies en une seule. Oh, mais vous savez Mathilde, je suis un homme facile à contenter. Une bonne série, de quoi vivre et de quoi manger pour l'ensemble de la population, l'égalité homme-femme, la gratuité des transports publics, la retraite à 50 ans, et c'est mort, j'en demande pas plus. Pour Last of Us, je vous cacherai pas qu'il y avait une certaine attente parce que c'est un jeu apparu en 2013 sur PlayStation 3 et qui a immédiatement marqué les esprits des joueurs, dont le mien. Je vous invite d'ailleurs à écouter une très bonne émission du service public nommée Blockbuster sur le sujet. C'est animé par un type charmant et pas fut-fut mais éminemment sympathique. Alors comme c'est si souvent le cas quand je vous parle d'un truc le vendredi matin, Last of Us n'est pas ce qu'on pourrait appeler une comédie. Ah, en même temps, j'y peux rien si 90% des auteurs de science-fiction sont convaincus que dans le futur, l'humanité sera soit décimée par un virus, soit par un champignon parasitaire qui transformera les rares survivants en zombies dégueulasses. Je sais pas, il y a peut-être des éléments dans nos sociétés modernes qui les font contempler l'avenir avec une certaine défiance. Remarquez-moi aussi, à chaque fois que j'écoute Elisabeth Borne, j'ai envie d'écrire Mad Max ensuite. Hein. Dans Last of Us, on suit le voyage à travers des États-Unis post-apocalyptiques de deux rares survivants, deux compagnons d'infortune que tout oppose au départ. Joel, un homme désabusé et cynique, et Ellie, une adolescente de 14 ans qui cache un lourd secret. C'est un peu le même genre que la série Walking Dead, non? Et tout à fait, Mathilde, mais ce qui a fait de Last of Us, un jeu vidéo culte, c'est le soin tout particulier apporté à l'écriture et à la narration. Neil Druckmann et Bruce Straley, les créateurs, n'ont jamais caché que le roman La Route de Cormac McCarthy avait été une influence majeure et ça se sent. Last of Us, c'est surtout une histoire particulièrement touchante sur la paternité et la filiation, qu'elle soit génétique ou non. C'est moins les phases de jeu où on essaie d'échapper aux infectés ou aux pilleurs qui ont fait le succès de cette œuvre que ces moments où on découvre qui sont vraiment Ellie et Joel, interprétés merveilleusement dans le jeu par Troy Baker et Ashley Johnson. Des moments tels qu'une simple conversation sur une montre cassée, une girafe qui apparaît soudainement dans une ville recouverte par la végétation, Ellie qui joue Take On Me du groupe AA à la guitare sèche. Last of Us, c'est évidemment ce qui reste, mais aussi ce qu'il reste d'humanité à Joel et Ellie. Et est-ce que la série est à la hauteur du jeu? Oui, et c'est bien là le paradoxe. La série HBO, parce que à la base c'était HBO qui est à l'origine de ça, est réussie car le jeu était lui-même déjà très réussi en termes d'écriture et de narration. Pour dire les choses simplement, le jeu était déjà tellement cinématographique et brillamment interprété qu'il était inutile de le transposer sous un autre média. Oui, mais tout le monde ne joue pas aux jeux vidéo, Frédéric. Oui, et c'est principalement à eux, à ce public de malheureux qui ne sait pas à côté de quoi il passe que la série est destinée. Neil Druckmann, le créateur, est toujours à l'écriture, accompagné par Craig Mazin, le scénariste de la série Tchernobyl, Gustavo Santaolalla, je faisais gaffe au jeu de mots, qui a composé les splendides musiques du jeu, est aussi sur la série. Pedro Pascal, le Charles Ingalls du 21e siècle, qu'on a déjà vu jouer dans Narcos, Game of Thrones et Le Mandalorian, continue de creuser son sillon de la figure paternelle ultime en campant un très convaincant Joël. Et Bella Ramsey, l'enfant star charismatique de Game of Thrones, où elle jouait Lyanna Mormont, incarne une Ellie crédible. Bref, si vous n'avez jamais joué au jeu, vous allez découvrir une histoire qui risque de vous retourner la tête. Et si par contre vous avez joué sur console, vous vous rendrez compte que le jeu vidéo est arrivé à un tel niveau de maîtrise qu'aujourd'hui, la télévision fait bien quand elle arrive à faire pareil. Frédéric Sigrist et sa chronique Blockbuster.